Ah, voici Monsieur Florent, mon apothicaire. Mon frère, avec votre permission. Comment ? Que voulez-vous faire ? Prendre ce petit lavement-là. Oh, ce sera bientôt fait. Mais vous vous moquez ! Est-ce que vous ne sauriez être un moment sans lavement ou sans médecine ? Remettez cela une autre fois, il me reste un peu hors peau. Oh, Monsieur Florent, à ce soir, ou à demain, au matin. De quoi vous mêlez-vous de vous opposer aux ordonnances de la médecine et d'empêcher monsieur de prendre mon clistère ? Mais vous êtes bien plaisant d'avoir cette hardiesse-là. Allez, monsieur, on voit bien que vous n'avez pas accoutumé de parler à des visages. On ne doit pas ainsi se jouer des remèdes et me faire perdre mon temps. Je ne suis venu ici que sur une bonne ordonnance. Et je vais dire à monsieur Purgon comment on m'a empêché d'exécuter ses ordres et de faire ma fonction. Vous verrez ! Vous verrez. Mon frère, vous serez cause ici de quelques malheurs. Le grand malheur de ne pas prendre un lavement parce que Purgon a ordonné. Encore un coup, mon frère, est-il possible qu'il n'y ait pas moyen de vous guérir de la maladie des médecins et que vous vouliez être toute votre vie enseveli dans leurs remèdes? Mon Dieu, mon frère, vous en parlez comme un homme qui se porte bien. Mais si vous étiez à ma place, vous changeriez bien de langage. Il est aisé de parler contre la médecine quand on est en pleine santé. Mais quel mal avez-vous? Vous me feriez enrager. Je voudrais que vous lussiez mon mal, pour voir si vous jaseriez tant. Ah, voici Monsieur Purgon.